cours numéro 39. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. قال الإمام ابن حبان رحمه الله ذكر الحث على لزوم الرفق في الأمور وكراهية العجل فيها. هذا الباب كذلك on a déjà parlé beaucoup dans ce livre, dans plusieurs chapitres, في الصفات العقلاء surtout au début du livre, et les caractéristiques du عقل, les caractéristiques, les comportements des personnes sensées. Parmi ces comportements, la douceur, لزوم الرفق وكراهية العجلة, et le fait de ne pas se précipiter. كذلك, il a cité ce chapitre هنا, et c'est le 38e. لماذا؟ لأنه il est lié directement au chapitre précédent. لأن الحلم, الحلم c'est le fait de se maîtriser, de ne pas se précipiter. Et الرفق كذلك c'est le fait de ne pas se précipiter. فالحلم, ça ressemble bien sûr au رفق. قال رحمه الله ذكر الحث على لزوم الرفق في الأمور وكراهية العجلة فيها. قال أخبرنا محمد بن صالح الطبري بالصيمرة قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار. سفيان عن عمرو بن دينار سي بن عيينة. عمرو بن دينار c'était un grand imam de Mecca et c'était un des grands shuyukh parmi les shuyukh de Sufyan ibn Uyayna rahmatullah alayhi al-imam. Qala an ibn Abi Mulayka an Ya'la ibn Mamlak an Umm ad-Darda an Abi ad-Darda radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن منع حظه من الرفق فقد منع حظه من الخير. سيسناد فيه ضعف لكن يا d'autres احاديث qui vont dans ce sens. Et Cheikh l'Almani رحمه الله il l'a صحح dans صحيح الترغيب ربما avec une autre chaîne de transmission. على كل حال الحديث il est صحيح. من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير. Celui qui a reçu sa part de rifq, rifq c'est la douceur, il a reçu énormément de bien. كذلك celui qui est privé du rifq, il est privé d'énormément de bien. Rifq, la douceur, mettre les choses à leur place, c'est très très important, akhil karim. Pour toi et pour les autres. Encore plus si tu as une responsabilité. Les annas, la plupart, ils jugent les autres sur ce qu'ils voient. Ils ne jugent pas sur le ilm, ils n'ont pas, kathir min annas, ils n'ont pas cette base, ce mizan de al-haq, des preuves, etc. Les annas, ils se basent que sur al-rifq. Tu es doux, tu as de la hikmah, tu as un bon comportement, ils acceptent. Tu as un mauvais comportement, ou alors tu as le haq ma'ak, كثير من الناس n'accepteront pas. قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله سبحانه وتعالى il a dit à son prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام ولو كنت فضا غليظ القلب, si tu étais dur, لانفضوا من حولك, il se serait écarté de toi. لماذا؟ لأن الإنسان humain il aime pas que واحد il dépasse les limites في هذا الباب. Et غلظة في غير موضعها et un manque de rifq, voilà, chacun أنه ça fait fuir. Et on peut ajouter un hadith, هنا حديث جرير ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير رواه مسلم. Celui qui est privé du rifq, il est privé du bien. Ça nous montre un rifq. Il est lié, il est synonyme avec le khayr. Et s'il n'y a pas de rifq, il n'y a pas de khayr. Qala Sufyan, rahimahullahu ta'ala li ashabihi, tadrouna man rifq. Ils ont rapporté un Sufyan, il a dit à des frères qui étaient avec lui, tadrouna man rifq, est-ce que vous savez c'est quoi le rifq? Qalu, qul ya Aba Muhammad. قال أن تضع الأمور في مواضعها الشدة في موضعها واللين في موضعها. Il leur a dit الرفق, la douceur, c'est de mettre les choses à leur place. الشده في موضعها la fermeté à sa place واللين في موضعه et la douceur في موضعه. هذا ça ressemble à ça. Il a expliqué الرفق par الحكمة. Il y a بعض السلف قالوا هذا. Ils ont dit الرفق c'est رأس الحكمة. Et là chacun الرفق الحكمة c'est lié. Et هذا c'est un point important, une remarque importante. Ne pas confondre الرفق et ضعف وعجز. لأن بعض أهل البدع ils appellent au rifq et في الحقيقة leur rifq c'est du ضعف, c'est se taire alors que on doit montrer le haq, c'est se taire alors qu'on doit mettre en garde contre les choses mauvaises. Et là chacun le mu'min il doit avoir ce comportement al-hikma. Certaines choses il faut de la fermeté, خاصة celui qui a une mas'ouliya. مثلا si on prend le cas du gouverneur, le gouverneur, dans de nombreux cas, il doit avoir de la fermeté. Azmun wa quwwa wa shidda. Pour que le peuple, ils observent certaines limites. Hakada, le patron, le chef d'entreprise, il doit avoir de la fermeté. Mais que de la douceur. Et Obama, pas de limites, pas de contraintes dans certaines choses, pas de punition ou de compte à rendre. L'insan, il se laisse très très vite aller. Lakin, la base, c'est rifq, c'est la douceur. Et ahyanan, on peut sortir de cette base vers shidda, la fermeté, la dureté. Lakin, dans des situations très très limitées. Et hada, c'est ce qu'on appelle al-hikmah. Et al-hikmah, c'est un fadl azim min Allah, azza wa jal. C'est pour ça que le mu'min, il doit demander hadhihi al-akhlaq. Il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala min fadlih. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne du hilm ou qui te rajoute du hilm. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne de la hikmah. Kam min al-nas fi hadha al-bab mélange. Au nom du rifq, ils font beaucoup de mal. Ahyanan, ils font intervenir. Il y a quelque chose de très très grave. Et il faut avoir un comportement de la fermeté pour préserver din Allah Azza wa Jal. Et tu trouves al-juhal à cause de leur ignorance, à cause de leur faiblesse et de leur ajd. Ils appellent à la douceur. C'est pour ça que pour savoir comment se comporter, appliquer tous ces comportements, il faut revenir bien sûr au Qur'an et à la sunnah. Et il faut revenir à la biographie des salafs, des compagnons radiyallahu anhum et ceux qui les ont suivis. Tu vas trouver un mthila ajiba fi hadha. Et on en a vu plusieurs, walillahi alhamd, dans l'étude de la biographie des quatre califes qu'on fait ensemble, la biographie d'Abu Bakr, de Omar, et on a fini de Uthman, radiyallahu anhum, ajma'in, des exemples très très profitables. Amma, un manque de ilm fi hadha al-bab, l'insan, il peut avoir de la dureté alors qu'il n'y a pas besoin. Il peut avoir un manque de fermeté alors qu'il y a énormément besoin. Et fi hadha al-hal, il se fera beaucoup de mal. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل لزوم الرفق في الأمور كلها وترك العجلة والخفة فيها. كذلك c'est important أن الرفق, on a beaucoup parlé de douceur, de fermeté en opposé ou par rapport à la douceur. كذلك العلماء citent الرفق pour montrer أي التأني والسكينة, et le fait de ne pas se précipiter. Et là, chaque que ne pas se précipiter, c'est une forme de douceur. Donc, tu as la douceur qu'on connaît tous, avec la parole, avec les gestes, le comportement, etc. Et tu as le rifq kadarik fil umur, ay adam l'ajala. Ay le calme, ne pas se précipiter. Qala wal khifa fiha. Amma l'ajala wal khifa. Enfin, ça fait énormément de dégâts. Al-khifa, ça vient du mot khafif, être léger. Et al-ajala, c'est le fait de se précipiter. Al-ajala ou al-khifa, c'est le fait de se précipiter. Ils ont une khifa ajib dans leur comportement, dans leur façon d'agir, dans leur façon de prendre des décisions. Et ils se font beaucoup de mal à eux-mêmes et aux autres. Qala rahimahullah, idhillahu ta'ala yuhibbu al-rifq fil umur kulliha. كما تقدم معنا وسيأتي الحديث إن الله رفيق يحب الرفق. الله سبحانه وتعالى سر رفيق. Et on peut faire la même remarque qu'on a fait dans le dors précédent avec Al-Halim. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le halim et il aime le hilm. Et vu que en tant qu'abd, tu profites de hadha al-hilm, combien de manquements, et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te châtie pas, mais il te laisse du temps pour te réformer, pour te repentir. Fahakada Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le rafiq. Et il aime le rifq. Et il a hadha al-rifq ma'ak. De la douceur avec toi. Depuis que tu es petit, c'est lui qui t'a facilité ta nourriture dans le ventre de ta mère. C'est lui qui t'a facilité quand tu es sorti du ventre de ta mère. C'est lui qui te facilite jusqu'à aujourd'hui. Il te donne le risque. Il t'a facilité le fait d'accepter l'islam. Tout ça, c'est min rifqillahi azza wa jal. Donc, anta, n'oublie pas les autres. Tu profites de hadha rifq tout le temps, à chaque instant. Enfin, n'oublie pas les autres. D'essayer d'être une cause de bien pour les autres. Avoir du rifq pour faire parvenir, pour faire passer na'am cette da'wa. Qala, وَمَنْ مُنِعَ الرِّفْقُ مُنِعَ الْخَيْرِ كَمَا أَنَّ مَنْ أُعْطِيَ الرِّفْقُ أُعْطِيَ الْخَيْرِ تقدم في الحديث وَلَا يَكَادَ الْمَرْ يَتَمَكَّنْ مِنْ بُغْيَتِهِ فِي سُلُوكِ قَصْدِهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ عَلَى حَسَبِ الَّذِي يُحِبْ إِلَّا بِمُقَارَنَةِ الرِّفْقِ وَمُفَارَقَةِ الْعَجْلَةِ. هذا طيب. Il a pas opposé pour l'instant le rifq à la fermeté. Il y en a la fermeté. Des fois c'est mahmoud. Être ferme, ce qu'on appelle le thabat ou l'azm. Vous avez remarqué, on a, il oppose le rifq à la précipitation. Et ça y est, ma'ana kadhalik, la chita, quand elle n'est pas à sa place, ça fait énormément de mal. Qala rahimahullah. On passe directement à la page suivante. Qawl Abu Hatim rahimahullah. Al-aqil yelzam rifq fil awqat kulliha. Wa li'atidal fil halat. Donc, rifqul ma'atidal. Donc, la douceur. Tout le temps, c'est la base. Et al-i'tidal, être juste. Et chaque situation, elle a une chose précise, un comportement précis à avoir. قال لأن الزيادة على المقدار في المبتغى عيب. Ça nous montre un comportement, il peut être très profitable à la base. لكن الزيادة, le fait de dépasser les limites. Dans cette chose, ça peut te faire beaucoup de mal. Maintenant, on prend l'exemple de la fermeté. La fermeté, c'est tayyib dantin. Être ferme et avoir des principes. Lakin exagérer, cette fermeté, elle se transforme en dureté, en injustice, ça fait du mal. Hakda rifq. Rifq, c'est très très profitable et c'est la base. Lakin, un rifq qui pousse thumma à ne plus dire la vérité, à accepter le batil, ça va pousser à la faiblesse, ça va pousser au ajj, ça peut conduire à l'égarement. Ces comportements, on le répète encore une fois, on doit essayer de les mettre en application comme ils ont dit salaf. Et comme ils ont appliqué à salaf. Wa illa fa al-dhaya' wal-inhiraf qu'on vit à cette époque. Mathalan, بعض الناس, ils appellent au rifq avec certains égarés. Ta'ammalu. Et le rifq, même avec les égarés, c'est matloub ahyanan. C'est matloub. Aïcha radiallahu anha, quand les juifs, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, assalamu alaykum. Ils n'ont pas dit assalam, ils ont dit assalam. Le poison, la mort sur toi. Aïcha l'a répondu avec dureté. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a conseillé le rifq, alors que c'était des juifs. Donc ça nous montre que le rifq, même avec les ennemis de l'islam, bien sûr que c'est légiféré. Lakin dépasser les limites fi hadha. Et c'est à ce point que je vais en venir. Je trouve à d'Allah, un min al-ikhwan al-muflisin min al-dhullal, au nom du rifq. À la base, bien sûr que c'est permis. C'est très très profitable pour ta'wa, même avec le kafara. Avoir de la douceur, de la hikma. Hatta on essaye de leur faire parvenir à hadha ad-din. Lakin dépasser les limites, ce rifq, ça se transforme en tolérance. La tolérance, c'est ambigu. Qu'est-ce que c'est la tolérance? Accepter quoi? Tolérer quoi? T'es d'accord? T'es pas d'accord? Thomas, à la fin, ils ont basculé directement à certains d'entre eux, à c'est nos frères. T'es un être humain, c'est un être humain. T'es pas mieux que lui. Tu n'as pas à l'accuser. Il a akhiri. Na'oudou billah min ad-dalal. Alors que, fait le Coran al-Karim, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui a dit à Aisha radiallahu anha d'avoir du rifq dans le hadith qu'on vient de citer, lui-même, il a dit la'natullah 'ala al-yahud wa al-nasara. Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Et comme min ahadith et comme min ayat fi dhamm al-yahud wa al-nasara. Enfin, chaque chose à sa place. Mais prendre à la base une vérité, comment ne pas la comprendre comme les salafs l'ont comprise, Cette vérité, en dépassant les limites, ça peut devenir un battle, un égarement clair. Badenes Medellin, au nom du rif qu'ils appellent au rapprochement avec tous les groupes égarés. Alors que Salaf, l'imam As-Sabouni, rahmatullah alayhi, ou l'imam Darimi, et comme min a'imma, ils ont rapporté l'ijma' an Salaf, ils avaient de la shidda envers Ahl al-Bida'. Ça fait de la dureté, de la fermeté envers Ahl al-Bida'. Pourquoi? Pour fermer cette porte de Shor et pour préserver la umma des innovations. Lakin, si on comprend les textes comme on veut nous, et sans revenir au Salaf, tu trouveras Bahanana, son nom du livre, il va te dire là, pourquoi tu parles? Pourquoi tu critiques? Pourquoi tu le boycottes? Robama, c'est ce mot, c'est vraiment une bid'a grave, Zandaqa. Ça peut être un Rafidi, ça peut être un Jahmi, ça peut être un Soufi, Minal Roula. Et au nom du livre, il va t'appeler à Hada. Fahdhar, on l'a souvent cité dans ce livre. Anna kathira min ahl al-bida. Ils utilisent les bons comportements pour propager les égarements. Comme min al-nas, in khada'u. Ils se sont fait avoir par les innovateurs à cause de ce point qu'ils n'ont pas saisi. Les bons comportements, c'est la voix du prophète, alayhi salatu salam. Avec la compréhension des compagnons, radiyallahu anhum. La douceur à sa place, la fermeté à sa place. Et chaque chose à sa place. Et c'est ça la base. C'est la sunna du prophète, alayhi salatu salam, bien sûr, avec Al-Qur'an Al-Karim. Qala, kama anna al-nuqsan fima yajib min al-matlab ajzun. Donc, on a cité le fait de dépasser les limites en exagérant. Et kadhalik al-nuqsan. Avoir des manquements. Kadhalik, c'est min al-ajz, c'est de la faiblesse. Qala, wa ma aslahahu al-rifq lam yuslihu l'unf. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Aisha radiyallahu anha qu'on a cité auparavant. Lakin on peut le citer complètement. Qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam inna rifq ou inna allaha rafiqun yuhibbu rifq wa yu'ati ala rifq ma la yu'ati ala l'umf. Allah subhanahu wa ta'ala c'est rafiq et il aime rifq, il aime la douceur. Wa yu'ati ala rifq, il te donnera avec la douceur ce qui ne te donnera pas avec l'umf. Al-umf, c'est la dureté, mais c'est négatif. Il y a une dureté qui est mal placée. Elle n'a aucun sebeb. Voilà, chacun un rifq, c'est profitable. Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, il a un kalam jamil fi al-sharh al-mumti' qala al-waqi' yazidouka imanan bi anna rifq khayrun min al-umf. Ce hadith, il est clair. C'est une preuve, il est sahih. Arawaha al-imam muslim dans son sahih. Et donc, alhamdoulilah, il est suffisant pour savoir que rifq, c'est beaucoup plus profitable que l'umf. Lakin, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a ajouté « Anna al-waqi' » ce qu'on vit tous les jours. Kadhalik, ça va renforcer ta foi. « Anna rifq, c'est meilleur que l'umf. » Tu le vois tous les jours, hada. « Qala, lakin Allah ya'fu anna. » Et qu'Allah nous pardonne. « Falhaqiqatu annana ahyana ta'khuduna al-ghayra wa na'jaz an-namlik anfusana. » Cheikh Ibn Uthaymeen, il fait un rappel pour tout le monde. Ahyanan, tellement qu'on veut le bien et tellement qu'on aime Ad-Din et on veut que la vérité, elle se propage. Et avec tous ces égarements qu'on voit, qala, ta'khuduna al-ghayra. On a cette ghayra pour le din. Wa na'jaz an-namlik anfusana. Fa nu'annif wa naghdhab. Et ahyanan, ça nous arrive tous à ça. Tellement qu'on aime la vérité, on veut que la vérité se propage, et on veut pas que les égarés propagent leur égarement, et on voit certaines choses. Rien n'arrive pas à te maîtriser. Un manque de hilm. Et on a de la dureté dans certains points. Wa narzab, wa tatawattar a'asabuna. Sahih, tu le sens physiquement. Anna, tu es tendu, tu es énervé. Et c'est très très mauvais pour la santé. Qala, الأولى لنا أن نهدى وننظر. ثم الشيخ العثيمين إلى كونسيي tout le monde أن tout le monde doit se calmer et on regarde في عواقب الأمور et on regarde c'est quoi le plus profitable. Et كذلك ce qui est très profitable هنا يا إخوان أننا on n'est pas responsable de des égarements de tout le monde. لا أحيانا صحيح on s'impose à nous-mêmes كأننا on est responsable des autres. لا tu as des responsabilités bien sûr et on veut le خير pour les autres. Lakin, on doit faire attention à un excès dans le ghayra. Cet excès qui nous pousse à nous attrister et on voudrait que les choses elles se passent mieux. Et wallahi, c'est très très nocif pour la santé. C'est mauvais. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout décrété. Lesta alayhim bi musaytir. Nahnu, on ne peut rien imposer à personne. Nahnu, on montre. An-nasiha. Ou al-bayan. Celui qui accepte, alhamdulillah. Celui qui n'accepte pas, va. On rendra tous des comptes et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-hidayah wa al-thabat. انتهى كلام شيخ العثيمين رحمة الله عليه. ثم قال الإمام ابن حبان رحمه الله ولقد أنشدني الأبرش عليك بوجه القصد فاسلك وفي الجور إهلاك وفي القصد مسلك مسلك وفي الجور إهلاك وفي القصد مسلك إذا أنت لم تعرف لنفسك قدرها تحملها ما لا تطيق فتهلك. هذا سي امبورطون سي سي On a fait la ishara il y a quelques instants. Et antalam ta'rif li nafsi qadraha, si tu connais pas la valeur de ton nafs et ce que ton nafs ce que tu peux supporter. Qala ma la tatiqu fa tahlikuha ou fa tahliku. Tu peux te faire beaucoup de mal. C'est pour ça qu'on doit avoir des limites. C'est pour ça que nasiha Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah elle est tayyiba jiddan. Il a cité deux mots. Al-awla lana an nahda. Al-hudu, al-sakina. Toujours garder son calme. L'imada, il y en a certaines choses, on n'est pas les responsables. L'imada perd ses moyens. Al-hudu, al-sakina. Qala, wa nanzur. Et kadalik, al-nazar fi awaqib l'umur. Regardez très très loin. Qala Abu Hatim, rahimahullah, al-rafiq la yakad yusbaq. Yuqal al-rafiq wa yuqal al-rafiq. C'est celui qui a du rifq, de la douceur. كما أن العجل لا يكاد يلحق عجيب. Pourtant un il se précipite et l'autre il ne se précipite pas. Ma'ada, celui qui ne se précipite pas, c'est lui qui arrive. Et la yakad yusbaq, les autres ils ne peuvent pas le dépasser. Et certains ils pensent qu'en se précipitant ils vont arriver à leur but, alors que celui qui ne se précipite pas et qui regarde loin, qui réfléchit et qui a هذا الرفق, cette douceur, enfin il arrive en premier. Et les autres, comme anna al-ajil, al-ajil c'est celui qui se précipite, il a un manque de rifq. Fala yakad yalhaq, peut-être qu'il n'arrivera jamais. Ça nous montre anna, pour avancer dans ce din, akhil karim, tu dois suivre les textes. Tu avanceras pas en te précipitant, en parlant beaucoup, en faisant les choses de toi-même. C'est pour ça qu'on le voit, hadha anna al-ba'd, khasatan les nouveaux qui rentrent dans le din. Ahyanan, ils veulent tout faire d'un coup. Vous avez tous remarqué ça. Et au début, كثير من الناس passent par cette étape. Au début, tu veux tout faire. Que ça soit dans l'ilm, tu veux tout apprendre. Que ça soit dans l'ibada, tu t'imposes beaucoup, beaucoup. ثم تنقطع. Très, très vite, tu es stoppé. Pourquoi ? Parce que au départ, tu connais pas qadr nafsi, que tu ne te connais pas encore. Et tu n'es pas prêt. Et tu as ce manque de rifq envers toi-même. Il y en a la douceur, كذلك c'est envers nous-mêmes. Tu trouves d'autres, Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqahum. Que ça soit directement ou que ça soit après une certaine expérience, après des erreurs, ils se remettent en question et ils ont du rifq avec eux-mêmes. Khassatan dans l'ilm. L'ilm, كذلك, il faut avoir du rifq. Il faut avoir du rifq. Au départ, tu dois avancer selon tes capacités. Amma, vouloir tout apprendre d'un coup. Et Obama se fatiguer énormément alors que tu n'es pas prêt. Tu vas peut-être faire cela un jour, deux jours, une semaine, deux semaines, un mois. Ou comme les nas, ils ont complètement délaissé l'ilm. Pourquoi ? Parce que c'était trop lourd. Rifq. Si on prend l'exemple de la mémorisation, rifq. Tu peux apprendre un hadith par jour. Alhamdulillah, c'est une ni'ma. Tu peux apprendre un hadith tous les deux jours, un hadith par semaine. Au départ, c'est une ni'ma. Mais quand tu es régulier, tu rajoutes. Amalbard au début, 10, 20, 30, 50 hadiths par jour. Non, tu peux 10, 20, 30, 40 plus par jour au départ, tu peux. Tu as cette fougue, tu vas te concentrer énormément et tu vas faire que ça. Lakin, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt 20 jours, 2 jours et après il faut réviser ce que tu as appris. Après ça devient trop lourd, après tu commences à oublier et tu délaisseras. Ça c'est pas min al-rifq. C'est pour ça qu'on doit avoir du rifq envers nous-mêmes et envers les autres. Et هذا الرفق c'est ce qui permet d'avancer. قال ابن حبان رحمه الله وكما ان من سكت لا يكاد يندم كذلك من النطق لا يكاد يسلم. Ça on a déjà fait التفصيل. نعم. C'est pas à l'itlaq. Ahyanan, il ne faut pas se taire, il faut parler. Et ahyanan, il faut se taire. Ça dépend. Ça dépend. Lakin la shak anna celui qui se tait en général, il ne regrette pas. On répète, c'est pas à l'itlaq. Sauf s'il faut parler, ahyanan, il faut parler. Si on parle pas, on regrettera. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. Ça, ça nous montre que si on doit dire le khair, on doit le dire. Maintenant, tu vois ton frère faire une erreur et tu dois annoncer. Ça, c'est le khair, montre-lui. Si tu te tais, enfin, في هذا الحال, tu ne conseilles pas ton frère et tu n'appliques pas, cette ibada النصيحة. كذلك من نطق لا يكاد يسلم. Celui qui parle, en général, il ne sera jamais à l'abri. Toujours, il aura des problèmes, Obama, des péchés. Ça, c'est pas à l'itlaq. Non, si il parle, bi batil. Ou si c'était un haq, dans ce cas-là, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. قال والعدل يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يسأل. Tout ça, on l'a vu dans صفات اللئيم. كذلك, on l'a vu dans صفات Al-Hamqa, dans tous les chapitres précédents. Al-Ajil, celui qui a un manque de rifq et qui se précipite, yaqul qabla an ya'lam. Il parle avant de savoir. Il parle, thumma il réfléchit. Et en général, il regrette. Qala wa yujib qabla an yus'al. Il répond avant qu'on lui pose la question. Amma al-muwaffaq la, il préserve sa langue. Et avant de parler, il réfléchit. Qala wa yahmad qabla an yujarrib. ويذم بعدما يحمد ويعزم قبل أن يفكر ويمضي قبل أن يعزم والعجل تصحبه الندامة وتعتزله السلام. En général, c'est comme ça. العجل, celui qui se précipite sans vérifier, sans ilm. En général, هذا, il est toujours accompagné par les regrets. قال وتعتزله السلام. Il a toujours des problèmes. S'avancer dans une chose, Thomas, tu dois t'excuser, Ahyanan accuser, tu dois te repentir, Ahyanan faire une injustice à un autre, est-ce qu'il va accepter des excuses, Amla? As-salam, c'est toujours de garder As-sakina et toujours de comme taqaddam ana, de connaître son nefs, de connaître les autres, de ne pas faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tout ça, c'est nafi', c'est profitable pour Al-Mu'min. Qala, وكانت العرب تكني العجلة أم الندامات. العرب, ils appelaient العجلة, le fait de se précipiter, أم الندامات. الأم هنا, c'est بمعنى la source des regrets. العجلة, combien de personnes ils ont perdu, amis ou divorcé ou était la cause d'énormément de maux, etc., à cause de l'ajala. Comme il en a, et il regrette jusqu'à aujourd'hui. Faliada, tant que tu ne parles pas, walillahi alhamd, tu es fi salam. On parle pas le cas où tu dois parler le haq, etc., ce qu'on a cité, hada, on a fini. Là, on parle dans les choses où tu n'es pas sûr. Ne te précipite pas. Tant que tu t'es alhamdulillah, tu as encore le temps de chercher, de demander. Et si tu ne sais pas, alhamdoulilah, tu as une excuse. Amma, le fait de se précipiter, de s'avancer, khalas. Khassatan, c'est ça envers les autres. Même si tu regrettes, est-ce que les autres ils vont accepter tes excuses? Est-ce que tu vas avoir la force de t'excuser? C'est pour ça, ikhwan, on doit avoir des limites. On doit avoir des limites. Et ces limites, al-haqiqa, c'est lié directement à la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Il y en a celui qui craint Allah. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. Celui qui craint Allah, il sait qu'Allah il le voit, il sait qu'Allah il l'entend, il sait que tout ce qu'il dit est enregistré. Voilà, chacun a هذا المعتقد, هذا الايمان, cette foi, elle va lui donner énormément de limites. Amma, celui qui fait ghafla, il est dans l'insouciance, il pense qu'à dunya, du matin au soir, il est écarté du ilm, moins du ilm, il a des mauvaises fréquentations. Là, chacun a le cœur, il va durcir et il aura plus ses fondements de base où il les oubliera كثيراً, et ça le poussera à la précipitation ثم au regret. قال رحمه الله العجلة موكل بها الندم وما عجل أحد إلا اكتسب ندامة توسى ولله الحمد تقدم واستفاد نعم واستفاد مذمة لأن الزلل مع العجل والإقدام على العمل بعد التأني فيه أحزم من الإمساك عنه بعد الإقدام عليه ولا يكون العجول محمودا أبدا والعاقل يعلم أن العجز في الأمور يقوم في النقص مقام الإفراط في السعي فيتجنبهما معا ويعجل لنفسه مسلكا بينهما le essayer d'avoir toujours le juste milieu le juste milieu faire attention à l'ajz كذلك أي au nom de du fait de ne pas se précipiter là qui toujours se retarder ne pas faire les choses ça en arabe c'est al-ajz wa al-dha'f et on fait attention كذلك l'autre extrême la précipitation comme on vient d'expliquer le juste milieu. Et pour savoir, pour connaître ce juste milieu, il faut des connaissances sur l'ilm. Il faut des connaissances sur l'ilm. Plus l'insan il a de la science, plus il met en pratique, plus il aura des facilités à connaître le juste milieu. Notre din, c'est le juste milieu. Enfin, si tu apprends ton din, tu connaîtras le juste milieu. قال لقد حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب قال حدثني إبراهيم بن عاصم قال سمعت صدقة يقول سمعت الشمردل يقول نكح العجز التواني فولد الندامة التواني c'est التقصير العجز c'est les manquements c'est الضعف donc العجز avec التواني ça va donner quoi الندامة Ça, c'est pour montrer qu'on doit s'écarter du premier extrême, le fait de se précipiter, etc., comme on l'a vu. Et c'est un manque de douceur. Et كذلك, on doit faire attention min al-ajz wa al-tawani, ay al-taqsir, et ne pas faire les choses. Donc, un juste milieu, comme taqaddam. قال أبو حاتم رحمه الله سبب النجاح ترك التواني, ay al-taqsir. وَدَوَعِ الْحِرْمَانِ الْكَسَلِ Donc on a plusieurs choses. On a التواني, التقصير. On a العجز. Et on a الكسل. الكسل, c'est la paresse. الكسول, c'est l'opposé de العجول, celui qui se précipite. Dans les deux cas, il y a un énorme mal. Donc certaines choses, il faut avoir, كما تقدم معنا, العزم والحزم. Et les faire, et natawakkal ala Allah. Certaines choses, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir réfléchir. Et les deux opposés, ils sont néfastes. قال لأن الكسل عدو المروءة وعذاب على المرء ومن التواني والعجز أنتجت الهلكة. C'est une cause de halaka. Comme al-ajala, c'est une cause de halaka. Les deux extrêmes, ça peut pousser al-insan à sa perte, ayyadam billah. قال فكما أن الأناءة بعد الفكرة أعظم الخطأ, كذلك العجلة قبل الإمكان نفس الخطأ. مثلا, tu dois faire un wajib. Et tu sais que c'est obligatoire. Et tu dois le faire. Alhamdulillah, tu as la capacité. Il n'y a rien qui t'empêche. Fais-le. Fais al-hal, tu dois le faire. Amma, trop réfléchir. Et cette réflexion, elle pousse, comme a dit, l'ana'atu, ba'd al-fikra, a'zam al-khata, elle va te pousser à la fainéantise, à la paresse, Thomas, ne pas faire cette chose, ou Obama délaisser une obligation. Voilà, je sais que ça va pousser à l'insan au haram. قال كذلك العجلة قبل الإمكان نفس الخطا والرشيد من رشد عن العجلة والخائب من خاب عن الأناء والعجل مخطئ أبدا كما أن المتثبت مصيب أبدا ما يتعلق بالتثبت والعجلة enfin on l'a beaucoup vu dans ce livre التثبت c'est le fait on répète de vérifier enfin celui qui vérifie فلا شك أنه il aura beaucoup de possibilités de connaître le haq et de ne pas faire d'erreur قال حدثني محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا محمد بن الحسن المصري قال حدثنا نعيم بن حمد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر قال كتب عمرو إلى معاوية يعاتبه إلى في التأني قال أما بعد فإن التفهم في الخير زيادة ورشد وإنه من لا ينفعه الرفق يضره الخرق ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك المعاني أو قال المعالي ولا شك هذا أن celui qui ne profite pas ou qui délaisse rifq, il se fera du mal. Kadhalik, celui qui n'a pas d'expérience dans certaines choses, il pourra être limité dans ces choses. قال ولا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته ولا يدرك ذلك إلا بقوة الحلم. Comme on a vu dans le dars précédent. لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله. Donc الجهل, c'est le fait de se précipiter, de s'avancer dans certaines choses, de parler, d'accuser, tout ça c'est min al-jahl. Il faut que le hilm prenne le dessus. Le hilm, c'est quoi? C'est la maîtrise de soi-même. Patienter. قال والصبر شهوته. كذلك, tu as ces deux choses. C'est pour ça que le musulman il est fi jihad mustamir. فتأمل الآن الجهاد entre الحلم et الجهل. Ton nafs elle t'appellera à هذا الجهل. La précipitation à parler, à accuser. فأنت, tu dois combattre هذا avec الحلم. كذلك, tu as deux autres choses qui s'opposent, الصبر والشهوة. الشهوة, tout ce qui est lié aux femmes, aux shahwat al-batn, shahwat al-farj, toutes ces envies. L'être humain, s'il ne fait pas attention, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, fil Qur'an al-Karim, il a comparé al-kafara à des animaux. Il y en a l'animal, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé, il n'a pas de raison, l'animal, il fait que suivre sa shahwa. Un animal, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il mange, il boit, il dort, il s'accouple. C'est ce qu'un animal fait. Enfin, si l'être humain, il n'a pas de sabr pour contenir cette shahwa, et cette shahwa, il l'a fait fi ma halallahu subhanahu wa ta'ala. Le mariage, manger ce qui est halal avec des limites, dormir ce qu'il a besoin sans dépasser les limites, etc. Si il n'a pas de sabr, ça devient comme un animal. Maintenant, بعض الناس, ils ont des rapports sans aucune limite. Zina, liwat, iyadan billah, etc. Alors que le mu'min, là, il se marie. Vous avez vu la différence. Kadhalik, bardanas, ils ont plus de limites dans l'akl. Ils suivent shahwa. Ils mangent min al-halal, min al-haram, etc. Ils n'ont pas ces principes. Exactement comme des animaux. Kadhalik, le sommeil. Bardanas, ils n'ont plus de limites. Tu le trouves, il dort avant le fajr et il se réveille après le dhuhr. Sans faire la salat. Enfin, tous ces points, ça fait de lui, c'est comme si c'était un animal. Bal Allah Azza wa Jalla qala bal hum adhallu sabila. Pourquoi? Parce que l'animal, il a été créé pour cela. Il n'a pas la raison pour faire certaines choses comme les animaux. Amma l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas créé pour hada. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Enfin, c'est pour ça que en tant que mu'min, on est fi hada al-jihad. Tous les jours, à chaque instant, le jihad contre ton nafs. Et pour t'aider à parvenir à faire هذا الجهاد العظيم, il te faut quwwa fi al-hilm. Il te faut énormément de hilm. Et c'est le chapitre qu'on a expliqué auparavant. Walhamdulillah. On peut finir en insistant sur un point très très important lié au rifq, et c'est rifq fi ad-da'wa. On a parlé du rifq avec les autres, on a parlé du rifq avec nous-mêmes, et là on finit hadi al-kalima ou hadi ad-dars avec une parole de Cheikh Ibn Baz, on l'a déjà lu plusieurs fois, wa fiha fawa'id kathira. Qala rahimahullahu ta'ala hadi al-'asr عصر الرفق والصبر والحكمة وليس عصر الشدة. Ça c'est une nasiha qu'on a tous besoin. Léanna, on essaye tous de faire des efforts dans l'ilm, en étudiant ses livres, en assistant au toros, en révisant, en résumant, en préparant. Et notre but, ça doit être la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on demande à Allah Azza wa Jal qui nous facilite. Et si on fait des efforts fil ilm, parmi nos intentions, bien sûr, la satisfaction d'Allah en mettant en pratique ce qu'on apprend, et kadhalik, en propageant. On doit propager ce qu'on apprend, ya ikhwan. Le ilm, ça ne doit pas être restreint sur toi-même. Et tu propages le rifq. Taqaddam ma'ana, le rifq, c'est ne pas se précipiter, connaître son œuvre. Tu propages par rapport à tes connaissances. Et sans dépasser les limites, Et كذلك, tu dois connaître les gens à qui tu vas propager هذا الدين. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh au Yémen, radiyallahu anhu, wa arda, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ya Mu'adh, innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Et tu vas aller faire da'wah des gens du livre. Et il n'y a aucun doute, anna les gens du livre, à cette époque, ils étaient au Yémen, c'était les chrétiens, ils n'étaient pas comme mushriku al-arab, mushriku al-jazira, comme les polythéistes, les associateurs qui étaient fil jazira, qui étaient à Mecca, qui étaient dans le Hijaz, fil Najd, etc. C'était pas la même chose. L'imam al-Aliyana, Ahlul Kitab, ils ont reçu un livre. Et ils avaient certaines bases, ils avaient certaines notions, pas comme ceux qui adoraient des statues. Donc la da'wa, elle allait être différente. Si tu as compris ça, فالشيخ بن باز قال هذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة وليس عصر الشدة. Pour revenir à nous, si on veut faire da'wa et on veut que notre da'wa soit profitable et on veut être des clés du bien pour les autres, on doit savoir, on doit connaître ce mujtama, ces gens à qui on veut faire parvenir cette da'wa. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, قال هذا العصر, cette époque qu'on vit, c'est l'époque du rifq, de la douceur, de la patience et de la hikma, de la sagesse. C'est pas asr al-shidda. C'est pour ça que tu trouves à l'époque des salaf, radiyallahu ta'ala anhum, tellement qu'ils avaient atteint au niveau fil-ilm, tellement que les gens, ils étaient accrochés au din. Tu trouves même al-ammi min al-awam, il avait des notions et il avait un minimum. Et كذلك, à leur époque, le haram, c'était très très limité. Si tu prends niveau argent, tu prends niveau tout ce qui est zina, etc. Tout ça, c'était très très limité à leur époque. Et tellement que le khayr, il était propagé, ahyanan, il se passait une chose et tu les trouvais, ils avaient énormément de fermeté. Limada li anna al-haq, il était qawi, et al-shar wal-batil, il était da'if. Alhamdulillah, ils arrivaient très très vite à reprendre le dessus. Et il y avait une énorme entraide entre eux. L'époque où on vit, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu trouves fait ba'd al-mudun dans certaines villes. Bel wallahi dans certains pays, on parle même plus de villes. Dans certains cas, dans certains pays, tu trouves un ahl sunna. Ils sont qalil jidd. Ils sont qalil. Ha'oula, ils doivent bien sûr propager al-ilm. Ils doivent faire des efforts pour propager al-ilm, ils doivent apprendre et ils doivent avoir cette notion, connaître le mujtama où ils vivent. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a parlé l'un, bikalam am. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, c'était imam al-muslimin à son époque. C'était la référence, rahmatullah alayhi. Et bien sûr qu'il connaissait al-mujtama'at. Bien sûr qu'il connaissait l'époque où il vivait. Faqala wa laysa asra al-shidda. Pourquoi? Qala an-nas aktharuhum fi jahl, fi ghafla, fi ithar lid-dunya. La plupart des gens, ils sont fi jahl. Fi ghafla. Et ithar ad-dunya, ils font passer la dunya avant. Leur objectif, c'est dunya. Wallahi, certains, comme ta'lamoun, ils ont presque aucune notion de leur dîme. Que certaines choses qu'ils ont entendues à droite, à gauche, certaines coutumes. Et ils ont énormément de manquements. Ils ont énormément de faiblesses. Kadhalik, que la plupart de leur temps, ils les font dunya. Consacrés à dunya. Qala falabud min as-sabr wa labud min ar-rifq. Dans ce cas, si on va trop fort, trop ferme, sans tact, sans sagesse, sans patience, les gens ils vont fuir. Déjà qu'on vit à une époque, à cause des ennemis de l'islam et à cause des égarés comme le Khawarij, Daesh, le Qaïda, etc., ils ont beaucoup sali ad-da'wa. Ils aiment l'islam, tellement qu'ils sont accrochés à Dunia, ils ont peur. S'ils suivent la sunna, ils ont certains manquements, ils sont accusés. Maintenant, on doit essayer de leur montrer que cette sunna, c'est une rahma. بعض السلف ils ont comparé à sunna à safina nuh منهم l'imam malik رحمه الله عليه السنه كسفينه نوح من ركبها نجا السنه c'est comme l'arche de Nuh, celui qui monte il sera sauvé, celui qui monte pas il sera noyé. On doit essayer de leur montrer هذا, leur montrer que c'est un énorme khayr, leur montrer l'importance de l'au-delà. On doit leur montrer كذلك ان الله عز وجل il a un haq sur eux. Ils n'ont pas été créés comme ça sans aucun but. Leur montrer qu'à d'aller commencer par l'essentiel. Amma, tu veux d'entrer lui toucher à ses poches, il fuira. Il aime posséder. Et il aime avoir, même si c'est du haram, il a du mal à délaisser au départ. L'imam d'Aliana, il est accroché à cette chose. Enfin, si on leur fait aimer Allah Azza wa Jal, on leur fait connaître Allah Azza wa Jal avec ses noms et ses attributs, on leur montre la gravité ou le châtiment que Al-Asi, le pécheur, Mimbabi Aoula, le kafir qui a délaissé son dîn, qui risque, et Hakada, on embellit tout cela avec le bon comportement, vous verrez que Katir min Haoula, ils reviendront. Les Anna, ils ne sont pas tranquilles et ils recherchent tous une vie heureuse, le bonheur. Lakin, ils ne le trouvent pas. Pourquoi ? Parce que le bonheur et la vie heureuse, elle est fidinillah. On essaye de leur montrer hada. Amma, ton frère, ce musulman, il est rare fi dunya. Il est noyé dans dunya. Et Shaitan, il le combat de toutes parts. Amma, nahnu, au lieu de l'aider, on aide Shaitan contre notre frère. Ça, c'est pas min al-hikma fi shay. C'est pour ça que vous avez remarqué que dans certains endroits, la da'wa avance très très vite. Pourquoi ? Parce que tu trouves ulama, talabat al-ilm qui font beaucoup d'efforts avec l'ilm, le bon comportement. Et vu que les gens, ils en ont assez de cette dunya, ba'd-nas, ils sont au bout. Lakin, ils n'arrivent pas à trouver le moyen de monter dans cette arche, dans ce finat sunnah. Et quand ils trouvent des talabat al-ilm, des savants, bi'idnillah azza wa jal, qui leur montrent, ils grimpent, ils montent très très vite, sans aucune hésitation. Et tu trouves dans certains endroits, certaines époques, la da'wa, elle a beaucoup de mal à avancer. Des fois, elle stagne, des fois, ça recule. Les malades, ces principes, ils ne sont pas pris en compte. On est tous responsables. On fait attention à l'égoïsme. Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'a guidé, tu apprends des choses, partage. On ne dit pas, nous, celui qui n'a pas étudié l'ilm, et il se met en avant que annahu c'est un là. Quand on dit partage, commence par tes parents, tes enfants, tes frères et sœurs, alhamdoulilah. Un, je fais pareil, un autre, il fait pareil. Ton frère, il montrera un autre et vous verrez qu'en peu de temps, le khayr, il se propage. Et ceux à qui Allah, subhanahu wa ta'ala, il a facilité l'ilm, khassatan inda al-ulama, et ils ont compris au moins les bases et les transmettent, alhamdoulilah, il y aura énormément de khayr. Qala falabud min al-sabr wa labud min al-rif hatta tassil al-da'wa hatta يبلغ الناس وحتى يعلموا c'est ça le but. Si on a les bons comportements avec la douceur avec l'ilm, ta'lamoun anna an-nas à notre époque ils sont fatigués. واحد il leur dit c'est halal, un deuxième il vient et dit c'est haram, un troisième il vient et dit mais j'ai entendu, mais بعض الناس ils savent plus comment faire. Wallahi, si ils auraient accès à cette da'wa al-mubaraka. C'est pour ça que les kuffars, ils essayent de la salir. Il y en a, si cette da'wa se propage, la plupart des gens, ils suivront. La da'wa salafia, c'est la da'wa la plus simple. Maintenant, les acheter une maison crédit. Comme les nains, ils ne savent plus. Un, ils leur dit ci, l'autre, ils leur dit ça. Acheter une maison en crédit, il y a des, ce qu'ils appellent, il y a des intérêts. Il y a un plus, c'est haram. Dalil, min al-Qur'an, min al-Sunnah. Et c'est tout. C'est très simple. Très simple. Et tu prends beaucoup, la plupart des points. C'est simple. C'est les gens qui ont compliqué. Et la da'wa salafia, elle facilite beaucoup, contrairement aux autres groupes égarés. Qala, hatta tassil al-da'wa, hatta yuballigh an-nas, hatta yu'allamu. C'est ça notre but. Et là, chacun a pour faire parvenir cette da'wa, il faut faire des sacrifices. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, comme sabr, il a été accusé. Ils se sont moqués de lui. Ils ont essayé de le tuer. Il a quitté Mecca. Ils l'ont frappé. Ils l'ont comme... Et toute cette patience, fillah, walillah, pour que la da'wa se propage. Enfin, nous, on doit prendre exemple sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on doit avoir had al-hilm et ce rifq qu'on a étudié aujourd'hui. Et notre petite personne, on la met de côté. Sahih, on a rien, un certain fatigue. Avec des questions mal placées, avec des mauvais comportements. Lakin la bout min al-sabr. Et le but, c'est qu'il rentre fi hadi da'wa al-mubaraka, fi had al-din al-azim, et qu'il apprenne. Et thumma, alhamdulillah, lui-même après, il apprendra et il enseignera aux autres. قال وحتى يعلموا ونسأل الله للجميع الهداية. آمين. Il a fait ce dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous guide. فكلام جميل من الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله, on a bientôt terminé. Il reste 10 chapitres, donc quelques cours si on continue à ce rythme de cours par jour. Alhamdulillah, les deux cours qui restent cette semaine plus les trois cours de la semaine prochaine, normalement, on aura fini dans une dizaine de jours. Avant, on essaiera de vous dire quel livre on fait pour se préparer. Alhamdulillah, alladhi bi ni'amihi tatimmu s-salihat. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.